Donc, bon, ça va un peu se croiser, un peu se chevaucher avec l'intervention de Philippe Coutin, puisque je suis aussi sur une exploitation laitière. Donc, c'est vraiment le thème aujourd'hui, puisque dans la première partie, on a eu un focus sur cette production. Et donc, je suis éleveur laitier dans l'Aveyron, le département de l'Aveyron, dans le sud, sur une ferme d'une trentaine d'hectares. Et j'ai un très grand troupeau de 24 vaches laitières. Voilà. Et alors, ça peut sembler une petite ferme, on se dit c'est pas terrible. Eh bien, en fait, ça marche, quoi. Il n'y a pas de souci. Bon, j'ai pas trop un tempérament à me plaindre. C'est pas, peut-être même si ça marchait pas trop, je serais pas très revendicatif, quoi. C'est pas trop dans ma nature. Mais bon, disons pour simplifier, je peux avoir des résultats économiques qui sont, sans trop me mouiller, plutôt supérieurs à la moyenne de la zone, quoi. Voilà. Voilà. Donc en fait, c'est une ferme assez, donc qui est assez petite. Bon, bien que dans nos zones, on a aussi des fermes qui sont pas immenses. Basé sur un système herbagé, donc c'est pas réservé à l'ouest de la France, même dans des zones plus au sud où il fait plus chaud, ça peut exister. Et puis j'ai même poussé le vice jusqu'à développer au maximum la prairie permanente. Donc vraiment tous les handicaps qui font que décidément ça peut pas marcher, quoi. Voilà. Donc un petit peu, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est une ferme, donc une petite ferme, qui valorise ses produits en circuit long. Donc bon, on est dans une organisation de producteurs au niveau de la valorisation du lait, on est très investi. Donc c'est-à-dire que circuit long ne signifie pas qu'on est complètement coupé de la valorisation du produit. On s'investit beaucoup en tant que groupement de producteurs pour valoriser le produit. Mais tout ça pour dire que il n'y a pas que, enfin, tout est important, quoi. Hein. Il faut pour avoir une bonne valeur ajoutée, il faut avoir un produit bien valorisé et être au point sur la maîtrise des charges, quoi. C'est-à-dire la valeur ajoutée, ce n'est rien d'autre que la différence entre les produits et les charges. Et donc, il faut jamais perdre de vue agir sur les deux leviers, quoi. Voilà. Alors on m'a demandé aussi de dire pourquoi j'ai fait ça. Bon, alors j'ai pas tout fait parce que c'est aussi le résultat d'une histoire familiale et donc il y avait eu aussi des choses qui avaient été initiées par mes prédécesseurs. Mais pour dire un peu ce qui peut animer, je crois qu'il y a pas mal de gens, enfin j'espère, qui peuvent se retrouver là-dedans. Je pensais à deux ressorts qui sont les doutes et les convictions. Voilà. Dans les doutes, parce qu'on se demande si ça peut durer le système dominant, quoi, si on peut toujours continuer à dépendre autant des énergies fossiles, si on peut toujours continuer à dépendre de politiques publiques qui peinent à trouver leur justification sous certaines formes, comme on l'a évoqué Gilles. Voilà. Voilà. Et les convictions, parce que bon, je crois qu'il faut aussi avoir quelques convictions, être quelque part, c'est pas être un pionnier nécessairement, c'est pas être convaincu vaille que vaille dans toutes conditions, mais quelque part, il faut être animé par être convaincu, parce qu'il y a toujours des moments où le doute l'emporte, et donc dans le doute, il y a des éléments positifs, et puis il y a aussi des éléments qui freinent, quoi. Voilà, donc voilà un peu. Ce que je pouvais dire à ce moment-là, à ce stade-là, peut-être un peu par rapport là où on peut se rejoindre avec les motivations des responsables des politiques publiques, c'est un peu, moi, je me suis posé la question de dire quels seront demain les coûts de l'énergie, enfin ce que beaucoup de personnes se posent comme question. Donc, dans les coûts de l'énergie, ce sont le fuel, l'électricité, les produits phytosanitaires, les engrais azotés, et puis aussi tout ce qui est l'alimentation du bétail, notamment le soja. Donc, quand on parlait tout à l'heure de la hausse de production qui avait eu lieu jusque dans les années 80 à l'instauration des quotas, c'était aussi grâce à l'arrivée d'un fleuve de quotas de soja en provenance d'Amérique, Amérique du Nord et Amérique du Sud. Et donc, ça, c'est vraiment une dépendance à certaines. Donc le doute est la stratégie, quoi. C'est-à-dire se dire qu'est-ce que demain, mettre en œuvre une stratégie, pas simplement sous l'éclairage des conditions actuelles, mais qu'est-ce qui demain sera, donc là j'en viens aux politiques, qu'est-ce qui demain en sera une politique qui pourra trouver son efficacité, c'est-à-dire qui va favoriser des modèles qui demain seront possibles, quoi, qui ne seront pas trop dépendants de ces importations, de ces dépenses énergétiques démesurées. Donc voilà, donc ne pas mettre l'évaluation au service de la prospective, mêler les deux pour demain avoir donc de plus en plus, enfin, il y en a peut-être déjà, mais orienter de plus en plus les politiques publiques dans une optique stratégique de sécuriser l'approvisionnement alimentaire du pays, des choses comme ça, quoi, et toutes les questions écologiques, bien sûr, quoi, qui vont se renforcer. Voilà un petit peu pour cette introduction. Merci.